je me dis que c'est la merde. Et vu le champ, je peux pas l'équipe. Ah, et la rue, la vraie, c'est dans mes rues. Si t'as parlé de moi, viens pas me parler de wesh. À la base des bases, on avait pas envie de wesh. On voit des barres, on attend dans la paye. On rate de se barrer, on attend dans l'hiver. Et je réussis à les faire taire. On voit la balle, tout arrête à faire plaire. Je prends des cartes et tu veux nous faire peur. Si j'ai tout pris, je prendrais perpète. J'écris solo dans ma bulle, 357 le label, belle, belle, belle. Moi, je suis toujours dans la vue, j'assume pas la défense de la veille, veille, veille, veille. Faudra que tu payes, faudra que tu payes, payes, payes, payes. Où ça fera ben, ben, ben, ben, ben. On n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes sommes, on fait pas le même flic. On n'a pas le même glock, on fait pas le même vice. Pas les mêmes vécu, on fait pas les mêmes prix. Là les gars je suis dans le bench, y'a pas la même dose. Ah là c'est pas les mêmes flics, on n'a pas le même buzz, on fait pas les mêmes poses. Forcément c'est pas les mêmes pics. Ouais, j'suis dans putain, putain, j'roule en putain de joint. J'veux mon putain, putain, j'connais même plus le frein. J'suis dans putain, putain, j'roule en putain de joint. J'veux mon putain, putain, j'connais même plus le frein. J'connais même plus le frein. J'suis dans putain de bench et j'fume cette putain de merde. Au quartier j'suis flex, j'attends cette putain de guerre. Si c'est pas moi qui le fais, gros, dis-moi qui va le faire. Pardonne tes affaires, j'peux fumer une sur mon frère. J'suis dans putain de bench et j'fume cette putain de merde. Au quartier j'suis flex, j'attends cette putain de guerre. Si c'est pas moi qui le fais, gros, dis-moi qui va le faire. Pas besoin de tes haltères, j'peux fumer sur mon frère. Et j'suis jamais ça. A vrai dire, j'ai plus rien à perdre. Là, j'suis dans. J'fais des putains de pertes, tu me verras pas changer dans ce putain de texte. Elle veut goûter la peufra à Bob Marley. En plus, le queue, ça y bombardait. Les reprises, ça y préparait. T'as fait les choses mal, là, t'as trop parlé. Fils de putain, la putain ta race. Ton corps, on le ramasse, ta vie n'est pas rose. Tu veux pas halas, peut-on t'arrose. Ton corps, on le ramasse et on jette à l'eau. Tout est dans mes pensées, fils de pute. Quand tu m'as lâché, t'es un fils de pute. Orienté, je vise le but. Pas appliquer ta grand-mère pour un fils de pute. Dépasse pas le périmètre. J'descends, j'périmacro. On n'est pas des criminels, nous. Mais si je parle trop, y'aura des façons rocos. Belle ex, y'a la paparotti. On n'est pas arrogant, on peut faire les vocales. J'attends pas moi, déjà par shit. Je me verrai partout, sous nous c'était partant. J'suis dans putain, putain, j'roule en putain de joint. J'veux mon putain, putain, j'connais même plus le frein. J'suis dans putain, putain, j'roule en putain de joint. J'veux mon putain, putain, j'connais même plus le frein. J'connais même plus le frein. J'suis dans putain de bang, c'est j'fume cette putain de merde. Au quartier, j'suis flex, j'attends cette putain de guerre. Si c'est pas moi qui le fais, gros, dis-moi qui va le faire. Pas besoin de tes affaires, j'peux fumer sur mon frère. J'suis dans putain de bang, c'est j'fume cette putain de merde. Au quartier, j'suis flex, j'attends cette putain de guerre. Si c'est pas moi qui le fais, gros, dis-moi qui va le faire. Pas besoin de tes affaires, j'peux fumer sur mon frère.